Le Fric, I Want Your Love ou encore Good Time, ce sont quelques-uns des titres qui ont fait la popularité de Chic. Le groupe afro-américain, né sous l'impulsion du guitariste Nile Rodgers et du bassiste Bernard Edwards, a durablement marqué le disco dès la fin des années 70. Et oui, vous l'avez deviné, c'est le dernier samedi du mois, c'est la saga consacrée aujourd'hui à Chic. Alors c'est à la faveur des concerts dans des nightclubs new-yorkais que Nile Rodgers et Bernard Edwards finissent par jouer ensemble. Avec le batteur du groupe Label, Tony Thompson, il crée un autre groupe. La formation rock, elle va péricliter rapidement et ils vont devenir opportunistes car ils vont décider de s'engouffrer dans la vague disco qui commence à déferler. En 1976, c'est finalement la naissance de Chic qui va s'enrichir de la venue de la chanteuse Norma Jean Wright. Après des débuts rendus laborieux par les maisons de disques qui se refusent à les produire, le groupe va se résigner à vendre ses instruments afin de pouvoir réaliser une première maquette. Ce sera Dance, Dance, Dance que l'on vient d'écouter. un succès qui va abreuver les discothèques durant de longs mois et leur permettre de réaliser leur premier album, Chic, en 1977. L'année suivante, le groupe, affecté par le départ de Norman G. White, qui entend se lancer dans une carrière solo, sort le titre Everybody Dance et l'album Chic. Le fric et l'arrivée d'Alf Anderson et de Lucy Martins donnent une nouvelle impulsion à la formation qui est en tête des classements. Une renaissance qui va se confirmer avec le second extrait du disque, I Want Your Love. La réussite ne se dément pas avec la sortie de leur troisième album, Risqué, et le titre Good Time, qui s'inscrit dans la lignée du Freaks et demeure l'une des chansons phares du disco. On dit même qu'elle inspirera le chanteur de Queen, Freddie Mercury, pour le titre Another One Bite to Dust, en 1980. Alors que le disco commence quelque peu à tomber en désuétude, sort le quatrième album de Chic, Real People. Vont suivre Take It Off en 1981, Tongue in Cheek en 1982 et Believer en 1983, qui, en dépit d'intonations mélangeant rock et funk, ne rencontrent pas le succès escompté. Face à la désertion, certes relative, du public, Nile Rodgers et Bernard Edwards vont se tourner vers la production sous le label Chic Organization. Ils vont produire Sister Sledge avec We Are Family, Diana Ross Upside Down, David Bowie à Let's Dance, Madonna à Like a Virgin, mais également Sheila Spacer. En 1991, toutefois, Chic refait une nouvelle tentative avec un huitième disque, Chic Issim. Là encore, c'est un échec, malgré les nouvelles voix de Sylvester, Logan Sharp et Jean Thomas. Nile Rodgers et Bernard Edwards, jusqu'à son décès en 1996, à la suite d'une pneumonie, délaissent finalement le groupe pour se consacrer exclusivement à la production. Retour de Chic sur le devant de la scène, à la faveur d'un concert que donne le groupe à Paris, à l'Élysée-Montmartre, en juillet 2007 avec Nile Rodgers. Dans les années 2010, Nile Rodgers revient en haut de l'affiche grâce à sa collaboration avec Daft Punk sur l'album Random Access Memories et plus particulièrement sur le tube Get Lucky, pour lequel il co-reçoit 3 Grammy Awards. En 2011, Nile Rodgers publie son autobiographie. What am I gonna do? I want your love. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. Il continue de se produire sur scène dans le monde entier, interprétant le répertoire de Chic et quelques-uns des principaux hits qu'il a produits depuis plus de 30 ans avec de nombreux musiciens. C'est Nile Rodgers, bien sûr. En 2013, Nile Rodgers, lui-même, annonce qu'il travaille sur un futur album à partir de morceaux de Chic inexploités. Il déclare également que Daft Punk serait partant pour travailler sur au moins un des titres. La même année, sort Nile Rodgers Presents the Chic Organization All Up All Night chez Rhino Records qui se classe second en Grande-Bretagne. Une seconde version de deux CD va sortir en octobre et ça inclura la performance très remarquée et retransmise à la télévision de Chic au Glastonbury Festival de 2013. Everybody dance. 2014, Chic, avec Niles Rodgers, est au Essence Festival qu'organise Prince. Différents artistes montent sur scène avec lui, et il est aussi présent au Festival sur l'île de Wight. En février 2015, l'album se précise. Un contrat a été signé avec la Warner Bros. Et le 20 mars, Chic sort un single intitulé I'll Be There. L'album a un titre explicite, It's About Time. Effectivement, il était temps. À part une compilation en 2013, Chic n'avait pas publié depuis 1992. Le 25 juin 2017, le groupe joue au Glastonbury Festival et pour la nuit du 31 décembre à Londres. Chic a été nommé 11 fois au Rock'n'Roll Hall of Fame. En 2017, le Rock'n'Roll Hall of Fame a finalement reçu Niles Rodgers au titre de son excellence musicale. On va se quitter sur Good Time. Je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine. Bye bye. We'll be right back. Disco.